Poilu, de Sigolène Vinson et Yves Ramonet. Cinquième salve. Le spectre. Dire que Coco l'oiseau voulait nous imposer cette rengaine à la con. Un peu de décence, même pour l'ennemi. L'allemand, c'est aussi Bach, Goethe. Schopenhauer, Wagner et Nietzsche. Il y a à boire et à manger chez le Bosch. Je comprends rien. Il n'y a que des illuminés ou des esclaves pour comprendre les hommes de foi et les intellectuels. Blasphémateur, homme de mauvaise vie, tu périras dans les flammes de l'enfer. Où je me ferai les plus belles catins que ton dieu y aura envoyé. Le pied, Père Trouillot. Peut-être même que la Marina Vinsonievska sera moins farouche au bout de ma fourche. Le poète, qu'est-ce que t'en dis de cette rime? Fausse. Insignifiante, comme dirait des touches. Hé, les gars, regardez par là, cette lumière. Merde, quel est le con qui a allumé sa lanterne? Je le bute, je l'ai au bout de mon label. Non, attends. Je sens comme une présence. Ouais, merci, on sent tous comme une présence. Et visez-moi ce halo vert autour de lui. Le chlore. Le chlore, c'est le gaz à tous les étages. Tous à vos masques. Y aurait-il âme qui vive par ici? Allemand ou français? Français. Tu pourrais pas éteindre un peu ta lampe? Tu vas nous faire repérer. Ce n'est pas ma lampe, c'est mon corps. Adjudant-chef Yves Montero, fusillé pour l'exemple. Merde, un mort qui parle. Aucun doute, les signaux de vitalité sont éteints. Selon les critères de Bichat, cet homme est bien mort. Sauf à vous contredire, il parle, il marche, il vous regarde, il me regarde. D'ailleurs, cesser de me regarder ainsi, ça me met mal à l'aise. À vos ordres, mon capitaine. Attendez, je ne suis pas encore votre capitaine. Je ne suis pas du tout sûr de vous garder. Une bouche de plus à nourrir, par les temps qui courent. Ah, mais je ne mange pas. Je ne vous serai d'aucune charge à ce niveau-là. Ah, vous voyez, une charge au moins. Bon, je lui donne l'extrême onction ou pas? Je suis fatigué, moi, tout à coup. Écoutez, mon père, j'ai eu une journée difficile. Vous avez déjà voulu baptiser le soldat inconnu, vous n'avez pas non plus célébré les obsèques d'un mort dont le discours est somme toute cohérent. Mis à part son halo, qui fait un peu trop folie bergère à mon goût, il est bel homme. Mmh. Et puis le spectre, tout de suite, ça sonne Shakespeare. To be, oh, not to be. Ça va. Non, ça va, Baron. Nous connaissons nos classiques. Qui a eu l'idée de l'appeler le spectre? Biribi, c'est bien trouvé. Oui, il est beau. Il irradie. C'est une lueur d'espoir. Un spectre pour toute l'humanité. Marina, calmez-vous. Mais il ne grèvera même pas le stock des médicaments. Rendez-vous compte, mon capitaine. C'est l'être suprême. Blasphème! Vos gueules! Désolé. Bon. Reprenons. Vous... Vous avez donc été fusillé pour l'exemple? Oui, voilà. J'ai refusé d'aller au combat. Magnifique! Pas de commentaires, je vous prie. Et ensuite? Ensuite, je ne sais pas. Des balles ont traversé mon corps de part en part. J'ai flotté dans l'espace. Je voyais le cosmos m'entourer. J'étais une poussière d'étoiles. J'ai pensé à Einstein. Einstein? Marina, vous n'allez pas me dire, il est quand même un peu dérangé. Il est au contraire d'une lumineuse lucidité. Oui, alors vous ne m'aidez pas du tout. Il pourrait être d'une grande utilité dans les missions de reconnaissance. Eh oui, on l'envoie sur les lignes ennemies. Il ne craint pas la mort, puisque mort, il l'est déjà. Pour une fois, Baron, votre propos est intéressant. Niveau stratégie, je vais étudier la question. Bon, le spectre, vous ne bougez pas. À vos ordres. Marina, vous vous occupez de lui. Mais avec grand plaisir. Je sens que ce spectre va changer ma vie. Changer votre vie? À vos ordres, madame. J'aime pas la façon qu'il a d'être toujours dans les pattes de Marina, ce spectre. Moi, ce que j'aime pas, c'est de côtoyer un mort. Des morts? En putréfaction, en sursis, t'en côtoies 24 heures sur 24. Tu marches dedans. Tu sais même plus si tu bouffes du singe ou du macabé. Alors tu vas pas faire ta chochotte. Et puis les odeurs, toi, avec ton masque, tu ne les sens pas. Le spectre, lui, ne sent pas. Il embaume. Moi, du moment qu'il ne mange pas ma ration, et il est serviable. Il nous apporte sa lumière quand on n'a plus de bougies. Et si c'était un vampire? Ah, les vampires, ça n'existe pas. C'est l'esprit de ma grand-mère qui me l'a dit. Ce qu'il y a d'emmerdant, c'est qu'on peut même pas le buter. Attention, le voilà. Ah, salut, le spectre. Tu dors jamais, toi? Ma vie est une longue mort différée. Celui-là, ça va pas être simple de s'en faire un pote. C'était Les Poilus, de Sigolène Vincent et Yves Ramonet. Cinquième salve, avec Olivier Clavry, Pierre-Jean Pagès, Didier Brice, Laurent Ferraro, Julien Alouf, Donatien Guillot, Laurent Lederer, Alain Fromager, Lenka Luptakova, Philippe Ciboulet et Henri Alexandre, Julien Aluguette, Bertrand Farge, Jorgen Egele, Johannes Hamm, Werner Kolk, Léonard Pathé, Pierre-Marie Schneider et Mathias Simon. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Équipe de réalisation, Éric Boisset, Jean du Cimetière, Vivien Demeyer, Jean-Mathieu Zande.